Tim Keenan rejoignit un de ses groupes. « Quelle est cette gueule ? » demanda-t-il. « Whedon Scott, » répondit quelqu'un. « Par tous les diables, qui alors est Whedon Scott ? » Un de ces crâneurs d'ingénieurs des mines. Il est au mieux avec toutes les grosses punaises de Danson. Si vous craignez les ennuis, vous feriez bien de naviguer loin de lui. Voilà ce que je vous dis. Il est intime avec tous les fonctionnaires. Le commissaire de l'or est son meilleur copain. Je me doutais bien qu'il était quelqu'un, dit Tim Keenan. C'est pourquoi je l'ai ménagé.